الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on va terminer inchallah cette soirée avec un dernier rappel de Cheikh Abd Razak al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, qui est enseignant à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, un savant, fils de savant, le fils de Cheikh Al-Mahsi al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala. Et après avoir fait un rappel sur la mort, et puis un rappel ayant pour titre « Le Coran est la source du bonheur », on va s'attacher à étudier un sujet très important en islam, c'est la purification de l'âme. Ce que les ulama appellent en arabe « Tazkiyatu an-nafs ». Et le cheikh, il commence son cours en disant « Hadihi ayyuha al-ikhwa, waqfatun ma'a qawlillahi subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka. » Fa fi hadhihi al-aya bayan anna man tazakka aflaha fi dunyahu wa ukhrah. والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh hafidhahullah ta'ala, il commence son rappel en disant qu'il y a pour titre la purification du cœur, la purification de l'âme, et il dit ceci est une pause et un arrêt pour étudier la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, et c'est un verset que je pense vous connaissez tous, surat al-A'la verset 14, réussit certes celui qui se purifie. Donc, quelle est cette purification de l'âme ici? Il dit, hafidhahullah ta'ala, il y a donc dans ce verset que celui qui se purifie réussit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et puis, dans la définition de al-falah, la réussite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une personne qui n'aspire pas à la réussite, qui n'aspire pas au bonheur. Maintenant, il convient de savoir, afin de l'obtenir, quelle est cette réussite? Quel est ce bonheur? Quel est ce falah en arabe? Il a donné une définition que vous pouvez retenir, il a dit c'est la détention ou la possession, si vous voulez, du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis il rapporte, il dit وَهَدِي الْآيَ نَظِيرُهَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي سُورَةِ الشَّمْسِ مُقْسِمًا عَلَى ذَلِكَ بِآيَاتِهِ الْعِظَامِ وَمَخْلُوقَاتِهِ الْجِسَامِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc c'est le verset de Sourate Shams, verset 1 à 10. On va les traduire. Il dit un verset similaire à celui précité, c'est-à-dire celui précité, c'est celui de Sourate Al-A'la, naam. Et maintenant les de Sourate Shams, où Allah subhanahu wa ta'ala jure à ce propos par ses immenses signes et ses énormes créatures. Nous ne pouvons jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ici, il jure à ce propos par ses immenses signes et ses énormes créatures. Il dit par le soleil, la traduction du sens en tout cas, par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété a réussi certes celui qui la purifie, c'est-à-dire qui purifie quoi? Qui purifie l'âme. Et perdu certes celui qui la corrompt. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans un instant, Inch'Allah, le sens de corrompre l'âme. Puis le cheikh, il dit فَأَقْسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِأَكْثَرْ مِنْ عَشْرَ آيَاتْ عَظِيمَةً وَمَخْلُوقَةً جَسِيمَةً أَنَّ مَنْ زَكَّ نَفْسَهُ أَفْلَحَ وَمَنْ دَسَّهَا خَابَ وَخَسِرْ ومعنى دسها أي غمرها وحقرها وطمرها بإيقاعها في الخسائس وحقائر الذنوب والمعاصي والآثام. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Shams ici a juré par plus de 10 immenses signes et immenses créatures que celui qui purifie son âme a réussi. Encore une fois, par rapport à tout à l'heure, on lit peut-être souvent sourate Shams, on la récite peut-être souvent. Quel est le sens des versets? Le sens, il est là. Allah a juré par plus de 10 immenses signes et immenses créatures que celui qui purifie son âme a réussi et celui qui la corrompt a perdu. Et le sens de, en arabe ici, de saha, corrompt, est qu'il l'avilie, qu'il la plonge et la fait disparaître en la faisant tomber dans les choses basses, ignobles, dans les péchés et les désobéissances. Puis Cheikh, il dit, et ça c'est pour attirer notre attention, il dit, فَتَزْكِيَةُ النَّفْسِ أَمْرٌ عَظِيمٌ. Il vient de le prouver d'ailleurs. ينبغي على المسلم أن يعنى به عناية دقيقة وفي هذا الباب أيها الإخوة أشير على عجل إلى بعض القواعد والضوابط والأصول المهمة في باب تزكية النفس أذكرها باختصار وبدون إطالة. Il dit donc le cheikh, la purification de l'âme est donc d'une grande importance. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce sujet. Et il incombe aux musulmans de s'en acquitter de manière précise. À ce sujet, chers frères, j'indique de ce de manière concise, donc on va essayer que ce ne soit pas trop long parce qu'il est déjà très tard, certains fondements et conditions et règles importants en ce qui concerne la purification de l'âme. Je les cite de manière résumée et concise, le cheikh il dit. Et il n'y en a pas beaucoup, on va essayer de les retenir ensemble, inshallah. القاعده الاولى لا بروميير ريغل التزكيه بيد الله ولن يتزكى الا من زكاه الله شيخ دي لا بروميير ريغل لا بيوريفيكاسيون اي دتينو بار الله سبحانه وتعالى ان سي بيوريفيرا ك سيلي ك الله بيوريفي سبحانه وتعالى بي الشيخ دي فالامر لله من قبل ومن بعد قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء وقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. Ici, la première règle, c'était donc la purification est détenue par Allah et ne se purifiera que celui qu'Allah purifie. L'affaire revient donc à Allah avant et après, subhanahu wa ta'ala. Puis il cite un verset dont la traduction du sens est « Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. » Surat An-Nisa, verset 49. Il y a un autre « Et nulle c'était la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde. » Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. « Nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. » Mais Allah purifie qui il veut et Allah est audient et omniscient. Surat An-Nur, verset 21. Et puis « Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. » Ceux-là sont bien dirigés, c'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Surat Al-Hujurat, verset 7, les appartements en français. Ce fondement nous amène au deuxième qui est lié au premier. Donc si quelqu'un vous demande c'est quoi tes yeux neufs, ça va répondre, la purification de l'âme. Hein? Vous savez citer des versets de Surat Shams, vous savez citer les versets de Surat Al-A'la, vous savez me donner des règles vis-à-vis de la purification de l'âme et de lui dire la première règle qu'il faut connaître c'est quoi? C'est que la purification, elle est... Vous êtes là, vous n'êtes pas là, hein? Voilà, c'est ça. Et Allah purifie qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ça amène à la deuxième règle, qui est quoi? Al-qa'idatu thaniya, ahamiyatu du'a fi babi tazkiyat al-nafs. Fa'idha kanat al-tazkiyat biyadillah, wa lam mutazakki ila Allah, illa man zakkahu Allah, fama ahwaj al-abdu ashadda iftiqarihi ila Rabbi, subhanahu wa ta'ala, bi an yuzakkih, wa du'a kama qil, miftahu kulli khayr fi dunya wal-akhirah. Cheikh dit la deuxième règle qui découle de la première. On a dit que c'est Allah qui détient la purification, c'est Allah qui purifie qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il faut faire évidemment? Il faut demander à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'importance de l'invocation dans la purification de l'âme. Si Allah détient la purification de l'âme et que ne peut se purifier que celui qu'Allah purifie, grand est alors le besoin du serviteur envers son Seigneur. Et grande est sa dépendance et grand est son besoin qu'Allah le purifie. Et l'invocation, comme il est dit, c'est la clé de tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'importance de dua. Et c'est quelque chose que des fois on peut, surtout qu'on n'a pas beaucoup de science, etc., qu'on peut négliger cette dua, et l'adhkar, et dua. Et Cheikh, il dit, وفي هذا الباب ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه. Et c'est peut-être une dua que certains d'entre vous connaissent et que je vous recommande vivement d'étudier, d'apprendre par cœur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Il dit donc, et à ce sujet, il a été rapporté dans l'authentique de Muslim, dans le hadith de Zayd ibn Arqam, que le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit dans son invocation, oh Allah, inspire à mon âme sa piété. C'est qui dit ça? Ar-Rasul alayhi salatu wasalam. Qu'est-ce que nous on doit dire, hein? Oh Allah, inspire à mon âme sa piété et purifie-la. Tu es le meilleur qui la purifie, tu es son protecteur et son maître. Et c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, hadith numéro 2722, si vous voulez la référence. Et c'est dans le chapitre justement de l'invocation et de la supplication et du repentir et de la demande de pardon, dans Sahih Muslim. Donc la première règle, c'était quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient quoi? La purification des âmes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il purifie? Qui il veut subhanahu wa ta'ala? La deuxième règle qui découle de ça, c'est quoi? Eh bien, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la dua, c'est quoi la clé de tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà? C'est facile à retenir. Troisième règle. Hein? Si je vais trop vite, vous le dites. أساس تزكية النفوس وعماد بنائها توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه التزكية والقاعدة التي عليه تقوم. وهو لشجرة التزكية بمثابة الأصول للأشجار، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فشجرة التزكية تقوم على التوحيد، وإذا انثلم التوحيد لا زكاة، كما أن الشجرة لا قيام لها بدون أصلها. ولهذا جاء عن عدد من المفسرين من الصحابة والتابعين في معنى قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، وقوله: قد أفلح من زكاها، وقوله: الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يقولون لا إله إلا الله، أي لا يوحدون الله. وذلك لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأصل الذي تبنى عليه التزكية. فإذا فقد التوحيد لا توجد زكاة في العبد، وأعماله كلها تذهب هباء منثورا، لأن الشرك محبط للأعمال مبطل لها. Troisième règle parmi les règles de la purification de l'âme, c'est quoi ? C'est la base dans la purification de l'âme et le pilier de sa construction, c'est التوحيد, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité est la base de la purification de l'âme. Et il est pour l'arbre de la purification ce que sont les racines pour l'arbre. Et il donne un verset du Coran qui illustre ça. Il dit dans sourate Ibrahim, verset 24: n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre? C'est quoi cette parole? La ilaha illallah. Un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Puis Cheikh dit: l'ombre de la purification, ou pardon, l'arbre de la purification se base sur l'unicité. Si l'unicité est ébréchée, il n'y a pas de purification, comme l'arbre ne peut se tenir debout sans racine. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté d'un nombre d'exégètes du Coran, du ulama du tafsir, que le sens de « réussir certes celui qui se purifie », c'est quoi ce sens-là? Et « à réussir certes celui qui la purifie », qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et le sens de « et qui ne s'équitte pas de la zakah » et ne croit pas en l'au-delà, mais c'est-à-dire quoi? Ils ne disent pas « la ilaha illallah ». C'est-à-dire, ils ne vouent pas, et on avait fait il y a quelques mois ici dans cette mosquée, un cours sur le hadith de Djibril. Vous vous souvenez, pour les frères qui étaient là, hein, et on avait expliqué en détail ce que ça veut dire « la ilaha illallah ». C'est-à-dire, ils ne vouent pas une adoration exclusive à Allah. Hein? Ils ne disent pas « la ilaha illallah », c'est-à-dire, ils ne vouent pas une adoration exclusive à Allah. Car l'unicité d'Allah est la base sur laquelle se construit cette purification. Pourquoi il a dit ça, le shir? Parce que « la ilaha illallah », qu'est-ce que ça veut dire? « La ma'bouda bihaqin illallah subhanahu wa ta'ala ». Nul n'est en droit d'être adoré ou à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, « la ilaha illallah ». Ce n'est pas comme dans certaines traductions, il n'y a de divinité que Dieu. Hein? La ma'bouda bihaqin illallah subhanahu wa ta'ala. Donc le shir, il dit quoi ici? C'est un point important. Il dit: si l'unicité est manquante, il n'y a pas de pureté dans le serviteur. Et ses actions partout en poussière éparpillée, car l'association Allah, le shirk, annule toutes les actions. Qui connaît un verset du Coran par rapport à ça? Hein? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Hein? C'est pour ça que le shir, il a dit quoi ici? Il a dit: les actions partent toutes en poussière et éparpillées, le haba al-manthour. Car l'association Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ça annule toutes les actions. Donc après la première règle, la deuxième, la troisième, hein, on a quoi là? La quatrième règle. Il dit le qa'idat al-rabi'a, parmi les règles de la purification de l'âme: le Qur'an al-Karim, huwa manba'u al-tazkiyah wa ma'inu al-ladhi la yandab. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir subhanahu dans le cours d'avant, qui était quoi? Le Coran est la source du bonheur. Hein, vous voyez que tous les textes, ils vont ensemble. Et tous les, hein, toutes les paroles de ulama, elles vont ensemble. La quatrième règle, eh bien c'est quoi? Le noble Coran est la source de la purification qui ne tarit jamais. Et tout le monde est l'abd ou mourtabitan bi hadal Coran, qira'atan, wa tadabburan, wa amalan, faza min at-tazkiya bi'a'zami nasib. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم فبتلاوة آيات الله جل وعلا على الناس تزكى النفوس. فالقرآن هو كتاب التزكية ومنبعها، وكلما كان العبد قريبا من هذا القرآن حاز من التزكية بحسب قربه من كتاب الله عز وجل. Et ça rejoint l'importance du Coran tout à l'heure, et que le Coran C'est ça la source du bonheur. Le noble Coran est la source de la purification qui ne tarit pas. Autant le serviteur est attaché à ce Coran en le récitant, le méditant et en le mettant en pratique, autant il réussira dans cette purification. C'est-à-dire que c'est proportionnel. Au plus, le serviteur est attaché à ce Coran en le récitant, en le méditant et en le mettant en pratique, comme on a vu tout à l'heure. Famani taba'a hudaï. Vous vous souvenez ou pas? C'est de suivre le Coran, de le mettre en application. Autant il réussira dans cette purification. Et puis, il cite un verset dont la traduction du sens est « Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets. » Écoutez, qu'il leur récite ces versets, les purifie. Et la suite du verset, c'est « Leur enseigne le livre et la sagesse. » Surat Ali Imran, verset 164. Puis le cheikh, il termine cette quatrième règle en disant « En récitant les versets d'Allah aux gens, les âmes se purifient. » Le Coran est donc le livre de la purification et sa source. Au plus le serviteur est proche du Coran, eh bien au plus il obtiendra de quoi? De la purification en fonction de sa proximité par rapport au Coran. Le contraire, c'est quoi? Au plus il sera loin du Coran. Eh bien, et vice versa comme on dit, d'accord? Cinquième règle parmi les règles de la purification de l'âme. La zakat lil abd illa bittiba' ar-rasul alayhi salatu wassalam. Donc la première, c'était quoi? C'est ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui détient la purification et il purifie subhanahu wa ta'ala qui il veut. Qu'est-ce que ça amène? Ad-du'a, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le du'a c'est la clé de tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Troisième règle. Tawhid, c'est la base, Quatrième, Coran. Vous les retenir de manière très succincte comme ça. Et maintenant la cinquième, c'est quoi? C'est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, il n'y a pas de pureté pour le serviteur sans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu veux? Tu purifies ton âme et toi tu ne suis pas le prophète alayhi wa sallam. Wa amru tazkiyati an-nafs musallamun ar-rusul alayhim salawatullahi wa salamuhu. Fahum a'immatul mutazakkin wa qudwatu ibadillah. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi sha'ni imam al-mursalin. وخاتمهم وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Cheikh il dit la purification des âmes des messagers عليهم الصلاة والسلام elle va de soi. Ils sont les imams, les guides des purifiés et l'exemple à suivre pour tous les serviteurs d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit concernant l'imam des messagers et le maître de tous les fils d'Adam, alayhi salatu wassalam. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Puis le cheikh il continue ce point-là en disant wa fi hadha al-bab aqul kayfa yuramu al-wusul ila al-tazkiyah wal-qabul bighayri tibaa' ar-rasul alayhi salatu wassalam. هذا محال كيف يطلب الإنسان نفسه تزكية دون أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقد أعطانا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قاعدة جامعة وضابطة نافعة فقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Il dit, Cheikh, et à ce sujet, je dis, comment peut-on atteindre la purification et l'acceptation sans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est impossible. Vous allez me dire, oh, mais ça c'est logique. Mais combien de gens ils revendiquent la purification de l'âme et ils cherchent dans des voies innovées autres que la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Comment l'individu peut désirer pour lui-même la purification sans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Or, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné une règle qui est générique et utile. Et c'est un hadith que vous retrouvez dans l'Arba'a al-Nawawiyya pour les frères qui ont mémorisé l'Arba'a al-Nawawiyya. Il y a deux versions de ce hadith. On va les rapporter dans un instant. Je traduis le hadith. Celui qui fait une action sans qu'elle ne soit légiférée, son action est rejetée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. L'imam Nawawi rahimahullah il a dit qala ahlu al-arabiyya radd bima'na mardoud ghayr mu'taddin bih. Il n'est pas considéré. Son action est rejetée. Mais regardez cette version-là, elle dit « Man quoi ?»« Amila, celui qui fait. » Alors il y a quelqu'un qui peut dire « Ouais, mais moi, Moi, c'est moi qui innovais. Les gens, ils font, mais moi, c'est moi qui innovais. Moi, je ne rentre pas dans ce hadith. Il y a une autre version du hadith. Man ahdatha fi amrina hada. Celui qui innove, et l'autre hadith, man amila. C'est-à-dire que celui qui innove et les gens aussi qui pratiquent ça après, eh bien, il rentre dans ce hadith. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Et l'autre hadith, celui qui fait, même si ce n'est pas lui le premier qui l'a fait, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, c'est rejeté. Toute action qui n'est pas légiférée par le prophète, hein, que tu ne retrouves pas dans une preuve dans le Coran, la Sunna, sur la compréhension des Sahaba, elle est quoi? Elle est rejetée. Et c'est ce qu'on appelle une bid'a. Et si vous voulez une définition de la bid'a, une des meilleures que les mashayikh donnent, c'est celle de l'imam Shatibi rahimahullah dans son livre l'I'tisam. Et Cheikh, il dit, celui qui fait une action sans qu'elle ne soit légiférée, son action est rejetée. Ainsi que sa parole. Car toute chose nouvelle dans la religion est une innovation. On l'a dit tout à l'heure dans Khutbat al-Hajjah. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Alors qu'il n'y en a pas un qui vient vous dire, oh, mais akhi, il y a des bid'ah hasana, il y a des bid'ah sayi'a. Moi, je te dis la parole du prophète, kol tufidul umum, kol bid'atin. Et toi, tu viens faire un taqsim. Il est où ton dalil? Il y a des bonnes bid'ah, et il y a des mauvaises bid'ah. Le prophète, il a dit, kol, hein? Kol quoi? Vous êtes avec moi, hein? Yani, toute bid'a est un égarement. Et tout un égarement est quoi? Naam. Et toi, tu viens me dire, non, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, là. Faire attention à ce genre de discours-là. Et ça implique beaucoup de choses. Et les ulama, ils ont prouvé ça. Le fait de dire que tu as une bonne bid'a dans la religion, c'est-à-dire que tu accuses le professeur de ne pas avoir donné le message comme il le faut. Et les ulama, ils disent que tout ce qui accepte le rajout, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas complet. Ça, oh là là. Or Allah, qu'est-ce qu'il est dans le Coran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam madina. Et toi, tu viens dire non, il y a des choses qui sont bonnes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous en a pas parlé. Il a pas su? Attention à ce que tu dis. Non, il a su, alors il l'a pas dit? Attention à ce que tu dis. Retournez aux paroles des grands imams de la communauté comme l'imam Malik rahimahullah, il a des très belles paroles sur ce sujet-là. On a dit quoi? Et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Ceci nous amène à la règle suivante. C'est la quantième? La sixième. La qaïda tu sadisa. Al-tara'iq allati yuhdithuha al-nas, wa yaz'umun annaha tuzakki nufus, fahiya fil haqiqati la tuhaqiqu lahum tazkiyatan. Le titre, c'est quoi du sixième, la sixième règle? Et ça dépend, ou ça découle plutôt de la cinquième, qui est quoi? C'est le suivi, et qu'il n'y a pas d'autre voit que la voix du prophète, hein, et le suivi du prophète dans la purification de l'âme, eh bien c'est les voix que les gens innovent et dont ils prétendent qu'elles purifient l'âme, ne leur permet pas en réalité de purifier leur âme. Tu te purifies ton âme dans le bid'a, hein? C'est pas possible ça. Et regardez, écoutez ce que dit le cheikh ici. بَلْ لَا تَزِيدُهُمْ عَنِ التَّزْكِيَا إِلَّا بُعْدًا فَالطَّرَائِقُ الْمُحْدَثَةَ وكثيرا ما تخترع عبر التاريخ بدع واهواء يدعي اربابها ومحدثوها انها تزكي النفوس وان النفوس انما تزكو بها. Il dit, mais de plus, elles ne font que les éloigner de cette purification. Les voies qui sont innovées sont nombreuses au cours de l'histoire. Pour les frères qui étudient un peu l'histoire de l'islam, hein, l'histoire des communautés, vous allez voir comment elles sont nombreuses les innovations, quand elles ont commencé, etc. Hein? En sachant, les ikhwa, que le hadith qu'on a dit, « Kulla muhdathatin bid'a », etc. Le professeur Sam disait ça quand? Il y avait des bid'a à son époque. Il n'y a peut-être pas un sermon, rarement, il délaissait cette khutbat al-haja. Pour montrer la mise en garde sur les innovations. Et donc, évidemment, sur les gens qui font les innovations. Puis, Cheikh, il dit, « Des innovations et des passions de ceux qui les ont inventées prétendent qu'elles purifient leur âme. Et que leur âme ne peut être pure qu'au moyen de ces voies innovées. » Puis Cheikh donne des exemples. Il dit, فهذا يدعو إلى خلوة في مكان مظلم ينقطع فيه الإنسان عن الجمع والجماعات والعلم والتعلم ويردد كلمات تملى عليهم بل أحيانا كلاما يردده لا معنى له يردده أياما طويلة ويزعمون أنه بمثل هذه الخرافات والضلالات يزكي نفسه ولقد تلاعب الشيطان بأقوام في هذا الباب تلاعبا عجيبا. Écoutez ce que dit le Cheikh ici. Il dit, certains appellent à s'isoler dans un endroit sombre, coupé des gens. Hein? Chez nous, en Angleterre, on en a beaucoup. Hein? Il y en a même certains, ils n'ont rien à voir avec le Maroc, ils disent, on aime bien aller au Maroc là-bas. Hein? Il y a des bonnes chambres sombres et tout. Hein? etc. On se sent bien, après on retourne à Dunya, le Ma'asi, etc. Mais hein, moi, pendant un certain temps, on zikki, on purifie les âmes. Avec le bid'a, c'est pas possible ça. Hein? Certains appellent à s'isoler dans un endroit sombre, couper des gens. Des prières du vendredi, des prières en groupe, de la science et de l'apprentissage. Il y a toutes des choses qui sont quoi? C'est là qu'on va trouver la purification de l'âme. Hein? S'isoler et répéter des paroles qui leur sont dictées. Parfois même, ils répètent des paroles qui n'ont aucun sens pendant longtemps. Ils prétendent qu'avec ces égarements et ces fables, ils purifient leurs âmes. Et Cheikh dit, Shaitan se joue de ces gens. Puis il rapporte une belle parole de l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Il dit, وَقَدْ فَصَّلَ فِي هَدَ الْبَابِ تَفْصِيلًا وَاسِعًا Ibn al-Jawzi, rahimahullah, ta'ala, fit un livre que vous connaissez sûrement, Talbis, hein? Iblis. وَذَكَرَ فِي هَدَ الْبَابِ عَجَائِبُ غَرَائِبُ مِنْ تَلْبِيس Iblis عَلَى الصُّوفِيَة وكيف أنه أدخلهم في منزلقات خطيرة جدا من باب تزكية النفوس وهي أعمال لا تزيد فاعلها عن تزكية النفس إلا بعدا. Ibn al-Jawzi rahimahullah, il a détaillé de manière précise ce sujet dans son livre Talbis Iblis. Hein? Talbis Iblis. Il a cité dans ce registre des choses étonnantes concernant Shaitan et comment il dupe, il trompe les soufis et comment il les a fait entrer dans des choses dangereuses. Au nom de quoi? Toujours encore une fois, la purification des âmes. Alors que ces actions ne font que les éloigner plus de la purification des âmes. Après, la sixième règle, c'est quoi? Hein? C'est le tard, mais hein, on va essayer de... Je veux que je vais un peu vite, c'est pour pas que ce soit trop long pour vous. On a presque fini, inshallah. Al-qa'idatu sabi'a, ahamiyatu al-wasatiyatu al-i'tidal fi babi al-tazkiyah. Et ça fait partie des fondements des gens de la sunnah. C'est la voie du juste milieu, toujours entre deux extrêmes. Les gens de la sunnah que vous allez lire dans l'aqida, dans l'ibad, dans tout, c'est toujours la voie du juste milieu. Entre l'extrémisme et quoi? Le laxisme. Mais le wasatiyah, hein? C'est pas comme on essaie de faire entendre dans la presse et sur certains pseudo-spécialistes de l'islam, c'est l'islam des modérés. Hein? C'est quoi la modération pour eux? C'est peut-être celui qui ne pratique pas du tout. Hein? Non. La modération, le juste milieu, c'est dalil. C'est qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. C'est ça, la modération, c'est ça le juste milieu. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et si quelqu'un est sur ce quoi Allah a légiféré, il peut être ni extrémiste, ni laxiste. Parce que les deux extrêmes sont blâmables. Et la seule voie de la vérité, c'est la voie du juste milieu. Il dit l'importance d'être sur le juste milieu équilibré au sujet de la purification, la tazkiyah. Et puis il cite un verset du Coran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ça, c'est une preuve que quoi? Nous avons fait de vous une communauté de justes. Hein? Wasat, le milieu, le juste milieu. Surat al-Baqara, verset 143. Et puis, c'est un vers de poésie, pour les frères arabophones, peut-être le mémoriser. وَخِيَارُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا لَا تَفْرِطُهَا وَلَا إِفْرَاطُهَا. Les meilleures des affaires sont celles du juste milieu, sans verser dans le laxisme ni l'extrémisme. فالوسطية في هذا الباب وفي كل باب مطلوبة ولا بد منها فإذا دخل الإنسان في أبواب العبادات ليزكي نفسه في باب الأخلاق ليزكي نفسه عليه أن يكون في ذلك وسطا والوسطية تعني لزوم الحق بل يجمع الوسطية قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا والحديث متفق عليه وخذ مثال لذلك يوضحه ويقربه. Donc Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Toujours dans la septième règle, qui est quoi? L'importance du juste milieu dans la tazkiyah, dans la purification des âmes. Il dit les meilleures des affaires sont celles du juste milieu sans verser dans le laxisme ni dans l'extrémisme. Le juste milieu est voulu à ce sujet et à tous les sujets de la religion. Et l'équilibre est obligatoire. Si un individu veut faire des adorations pour purifier son âme ou par les bons comportements, il se doit d'être sur le juste milieu. Et al-wasatiyah, le fait d'être sur le juste milieu veut dire s'attacher à la vérité. Ceci est compris dans la parole du prophète alayhi salatu wasalam, qui est laquelle? Saddidu, vous pouvez la mémoriser, elle est très courte. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Et puis, Cheikh, il dit, il va donner un exemple qui va illustrer cela, parce que c'est un peu difficile à traduire en français, mais on va l'illustrer avec un exemple, et puis on va traduire, inshallah. Il dit, رمي السهم إلى المرمى ما هو السداد في رمي السهم إلى المرمى أن يصيب المرمى بعينه والمقاربة أن يرمي السهم إلى جهة المرمى فيكون ماذا قريبا منه. لكن من لا يأخذ السهم أصلا ولا يرميه، أو يأخذ السهم ويعطي المرمى ظهره ويرمي إلى جهة أخرى، هل هؤلاء أهل سداد أو أهل مقاربة؟ لا، فأهل السداد والمقاربة الذين يصيبون السنة، أو الذي يعمل جاهدا ليصيب السنة فيكون قريبا منها. ولكل منهما بشارة، قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا، سيسال بشارتي. فأهل السداد لهم بشارة، وأهل المقاربة أيضا لهم بشارة، والحمد لله. شيخ يدون ان اكزامبل، يدي ان اكزامبل كي يلوستر سو حديث اي كي فول اكسبليك. يدي من تير ان فليش فيغ اون سيبل، كيل اي سكون ابل ان عرب السداد، سددوا المقاربة وقاربوا. السداد سي الفيت دو تيري دون اون فليش افيك اون فليش باردون فيغ اون سيبل، اي سي دو توشي كوا لا سيبل ال ميم. C'est comme si tu touchais le mille. D'accord ? C'est ça, sadad. L'exactitude, si tu veux. Tu touches la cible elle-même. Et le muqaraba, c'est quoi ? En arabe, on peut déjà un peu comprendre. C'est quoi le muqaraba ? C'est de s'en rapprocher. C'est de tirer une flèche vers la cible et que la flèche soit proche. C'est-à-dire que tu fais ton possible pour toucher la cible, mais tu te rapproches le plus possible. C'est didou, wa qaribou, wa abashirou. Puis Cheikh, il dit, tandis que celui qui ne tire pas de flèche du tout, laissez même pas lui. Hein ? Ou tire une flèche, mais laisse la cible derrière lui. La sunna, elle est là, hein, et lui, il tire de ce côté-là. Ou tire dans une autre direction que la cible. Est-ce que ceux-là font partie d'Ahlul Sadad, ou même ceux-là, hein, c'est-à-dire ceux-là qui touchent la cible elle-même, ou Ahlul Muqaraba, les gens de Muqaraba, ceux qui s'en rapprochent? Il ne fait partie d'aucun des deux. Cheikh dit non, ceux qui sont Ahlul Sadad et Ahlul Muqaraba, ce sont ceux qui sont conformes à la sunna. Vous comprenez le fait de toucher la cible elle-même? Ou celui qui fait tout son possible pour arriver à la sunna et arrive proche d'elle. Tu fais ton possible, hein? Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide. Mais Cheikh, il dit quoi? Et pour chacun des deux, ou chacune des deux catégories de gens, il dit quoi? Il y a une bishara. Ce qu'on appelle une bishara en arabe, c'est quoi? Une bonne nouvelle. Walhamdulillah. Puis Cheikh, il dit: أمد الذي يدير للسنة ظهره ولا يرفع بالسنة رأسا ولا يبالي بها بل يتبع هواه يبتعد ويبتعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهداه، فهذا ما أبعده عن الوسطية، فالتزكية وسطية واعتدال. Il dit tandis que celui qui tourne le dos à la sunna et n'y donne pas d'importance, mais en plus suit ses passions, والعياذ بالله, et s'éloigne de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et de sa guidance, celui-là est très loin de la voie du juste milieu. On avait dit que quoi? Les passions, c'est un des quatre ennemis parmi les plus grands ennemis des musulmans. Il y en a beaucoup des ennemis des musulmans, mais les ulama, ils disent qu'il y en a à leur tête quatre. Shaitan, al-nafs, al-hawa, les passions, hein, et dunya. Puis Cheikh, il termine ce point-là, ou cette règle-là, qui est quoi? La purification et donc l'équilibre et le juste milieu. Huitième règle. Il dit: التزكية تخلية وتحلية ولا يكون العبد متزكيا إلا بهما. Il dit la purification ne peut se faire que par التخلية والتحلية. Ça, c'est encore des termes qu'on ne peut pas traduire de manière linguistique tout simplement comme ça. Il faut revenir au sens, à l'origine de ces mots-là, et expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là dans la religion. Et Cheikh, il dit: ومن يرجع إلى أصل مدلول هذه الكلمة في اللغة وكذلك معناها في الشرع في ضوء دلالات النصوص يدرك ذلك. فالتزكية تخلية وتحلية، تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالخيرات والفضائل، هذه التزكية. وأصل معناها في اللغة النماء والطهارة، أي الزيادة في الخيرات، والطهارة أي التخلي من الآفات والسيئات والمنكرات. من أي في كوا إفينيتي دو مول الميم مول تزكية. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire le mot tezkiya? D'où ça vient le mot tezkiya et le verbe zekka? Zekka yuzekki tezkiyatan. Elle dit la purification ne peut se faire que par at-takhli wa at-tahliya. Celui qui retourne au fondement, la base de ce qu'indique ce mot dans la langue arabe, ainsi que son sens dans la législation islamique à la lumière des textes, comprend cela. La purification, at-tezkiya, c'est une takhliya et une tahliya. C'est-à-dire que l'âme, التخلية, hein, l'âme abandonne les vices. Et التحلية, qu'elle se pare de bonnes choses et de vertus. Hein, le mot arabe pour les bijoux, c'est quoi? الحولي, hein, ça حول الله, hein? أن تتحلى, ou bien أن تتحلى بالأخلاق الفاضلة. Que tu te pares de quoi? du beau comportement. At-takhliya, c'est quoi? Le fait de se... Hein, d'abandonner les vices. Si vous voulez, même de se purifier. Et at-tahliya, c'est quoi? Le fait de se parer des bonnes choses et des vertus. Ceci, la purification. C'est-à-dire que tu as besoin de quoi? Des deux. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Et il dit maintenant son origine linguistique. Linguistique, c'est-à-dire de la purification de tezkiya. Ça vient du mot, tezkiya en arabe, an-nama wa tahara. At-tahara, c'est l'abandon, la pureté de tout péché, de toute turpitude. An-nama, c'est accroître, augmenter le bien. Vous comprenez maintenant tahliya wa tahliya? C'est-à-dire, at-tahara, que tu t'abandonnes, tu te purifies, tu sois pur de tout péché, de toute turpitude. Et an-nama, c'est d'accroître et augmenter le bien. وهي إذ ويدل على أن التزكية تحلية بالفضائل الآية التي بدأنا بها ويقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فالذكر والصلاة وعموم الطاعات تزكي النفوس. هذا الفهم des علماء du Coran. Nous comme nous font lire ces versets là, hein, on comprend pas ce genre de c'est une des plus grandes preuves que on peut pas comprendre. Encore une fois, deux extrêmes ici et un juste milieu avec les علماء. Il y a un extrême, c'est comme les mourides chez le soufia, si le cheikh dit quelque chose, même si contraire au Coran à Sunna, c'est ça le haq. C'est-à-dire, le cheikh, c'est lui l'asl. T'as un autre extrême, les indépendants là. Hein? Nous, on comprend le Coran à Sunna, nous, on n'a pas besoin des ulama. Je ne parle pas des indépendants dans le tijara, hein, que vous ne compreniez pas. Hein? On est des indépendants de la compréhension de la religion. Ils ne prennent pas des ulama du tout. Et puis, les gens de la Sunna, encore une fois, au milieu, ils prennent des ulama de la Sunna, mais avec dalil. Et ce qui est contraire au dalil, on laisse de côté, on prend le dalil. Donc l'importance de revenir au ulama, on ne comprend pas, même des versets comme ça, on ne peut pas les comprendre correctement. Puis Cheikh, il dit, « كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهي تزكية لنفسه ويدل على أن التخلي عن المنكرات والبعد عنها داخل في باب التزكية قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم أزكى لهم أزكى encore une fois le mot quoi أزكى pur c'est plus pur إن الله خبير بما يصنعون. Donc cher, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ce qui indique que la purification c'est de se parer de bonnes choses. Ben vous connaissez déjà la preuve, c'est le verset par lequel on a commencé ce cours dans la traduction du sens de sourate Al-A'la. Quoi? Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur puis célèbre la prière. Le rappel dhikr est quoi? La prière salah. Donc l'invocation, la prière et toutes les obéissances purifient l'âme. Chaque adoration par laquelle le serviteur veut se rapprocher de son Seigneur est une purification pour quoi? Pour son âme. Et ce qui indique que l'abandon des vices et des turpitudes et s'en éloigner entre dans la purification de l'âme, eh bien c'est la parole d'Allah dont la traduction du sens est dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Et il commence à faire chaud, etc. Dans ce genre de pays, vaut mieux baisser le regard. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Surat An-Nur, verset 30. Puis Cheikh, il termine ce point-là en disant « فَبُعْدُ الْإِنسَانِ عَنْ مَنَهَا اللَّهُ عَنْهُ هَذَا دَاخِلٌ فِي بَابِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Termine cette huitième règle qui est l'avant-dernière. Le fait que l'individu s'éloigne de ce qu'Allah a interdit, ça entre dans quoi? Dans la purification de l'âme. Et c'est pour cela qu'il est dit, c'est plus pur pour eux qu'ils baissent leurs yeux et qu'ils gardent leur chasteté. Cela est quoi? Plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Neuvième et dernière règle. Ahamiyatu tadhakkur al-yawm al-akhir wa an yakuna nasb 'ayn al-insan. Subhanallah, je l'ai pas fait exprès, hein. La boucle est bouclée, on revient au premier dars. Kullama kana al-'abd 'ala dhikrin li hadha al-yawm yawm al-hisab, yawm al-wuquf bayna yaday Allah tabaarak wa ta'ala, a'ana dhalika 'ala tazkiyati nafsihi. وقد مر معنا فيما سمعناه من آية قول الله سبحانه وتعالى عمن يؤتون كتبهم باليمين إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. فكلما كان العبد مستصحبا هذا الظن المبارك والاعتقاد العظيم وأنه سيحاسب وأنه سيلاقي الحساب من سيقف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله سيحاسبه على أعماله التي قدم في هذه الحياة. كلما أراد أن يخطو خطوة لعمل لا يرضي الله تذكر أن الله سيحاسبه على هذا العمل. C'est ça, ثمرات. Notre croyance, elle a des fruits. Et c'est ça les fruits de la croyance. وأنه سيقف أمام الله جل وعلا ويجزى بما قدم فيمنعه ذلك ويحجزه بإذن الله تبارك وتعالى عن الرذائل ويسوقه إلى ماذا؟ إلى العكس، إلى الفضائل. Il finit Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala par cette neuvième règle, et c'est la dernière règle qu'on va citer aujourd'hui parmi les règles de la purification de l'âme, l'importance de se rappeler le jour dernier et qu'il soit toujours à notre esprit. En plus, l'individu se rappelle ce jour, quel jour ? Le jour du jugement. Le jour où les gens seront devant leur Seigneur. En plus, cela l'aidera à purifier son âme. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable. » Surat al-Haqqa, verset 20-21. Cheikh, il dit un point important ici, et on va terminer là-dessus, inshallah. Tant que le serviteur a cette bonne pensée et cette importante croyance qu'il va être jugé et qu'il trouvera son jugement et qu'il sera devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'Allah le jugera sur ses actions qu'il a faites dans cette vie, chaque fois qu'il voudra faire un pas pour faire une action qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappellera qu'il va rendre des comptes. Et c'est même si tu es tout seul. Parce que c'est facile de craindre Allah quand tu es avec les frères, machallah, le masjid, kada, etc. Hein? Mais quand tu es tout seul en khalwa, hein? C'est là que tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est là que tu te rappelles le jugement. Et c'est cette croyance-là qui t'aide à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ne pas faire ce qui va attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite à tous. Il dit, et sera jugé sur cette action et qu'il se tiendra devant Allah subhanahu wa ta'ala et sera récompensé en fonction de ses actions. Cela l'empêchera de faire cette action et le préservera des vices avec l'aide d'Allah et le poussera vers les bonnes choses. Que tu sois chez toi tout seul dans ton appartement, dans ta voiture, dans un coin, à droite ou à gauche, Allah sait tout, il voit tout subhanahu wa ta'ala. Inna Allah sami'un basir. يعلم السر واخفى. Où tu vas te cacher ? De qui tu vas te cacher ? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que la traduction du sens de la parole d'Allah dit : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. Encore une fois, nafs. Voyez le mot nafs ici ? Ma qaddamat li ghad. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, durs. Hein? De surat al-Hajr. Oh vous qui croyez, craignez Allah, non, sahih. Oh vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Hein? Et ça illustre bien ce qu'il disait le cheikh ici. Demain, cette croyance, au jour de l'un, à l'au-delà, et au jour du jugement dernier. Surat al-Hasr, verset 18. Et un autre verset dans la traduction du sens est, oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Imaginez-vous ça. Hein? Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Surat al-Tahrim, verset 6. Et puis le cheikh il dit « ومن أواخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام بل قيل هو آخر ما نزل قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا كان العبد على ذكر لهذا اليوم وهذا القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن هذا بإذن الله عز وجل يحفزه إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وهذه هي حقيقة التزكية. Cheikh il dit, pour terminer ce cours, il dit, et parmi les derniers versets révélés à qui ? Au prophète alayhi salatu wa salam. Il a même été dit Il a même été rapporté que c'est ce qui a été révélé en dernier au prophète alayhi salatu wassalam, celui dont la traduction du sens est « Et craignez le jour. » Quel jour ? Où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce que l'aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Surat al-Baqarah, verset 281. Puis Cheikh il dit, donc si les serviteurs se rappellent constamment ce jour et cette position devant Allah subhanahu wa ta'ala, ceci avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala va l'inciter à se parer des bonnes choses et à abandonner les vices. Et ceci est la vraie purification. Et le Cheikh il termine par une doua, et on va terminer par cette doua, inshallah. Allahumma ati nufusana ajma'in taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, wallahu a'lamu sallallahu wa sallam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et je voudrais vous remercier pour votre accueil et pour votre bon soupçon. C'est toujours un plaisir de revenir à Majid Salam, hein, et de voir les frères qu'on n'a plus vus depuis longtemps. Qu'Allah vous récompense par le Firdaus al-A'la. Wa jazakum Allahu khaira. Je demanderais juste aux frères de faire attention.